Je me fous du temps qui passe. Je regarde des films de Max Pécasse. Dès que je rentre à la maison, j'allume ma télévision. J'insulte les autres voitures. Je jette mon mégot dans la nature. Je mets la musique un peu fort, en espérant que mon voisin dort. À imposer ce que je pense, à cultiver mon ignorance. Et quand il me demande parfois comment j'en suis arrivé là, suicide mental, mort cérébrale, atrophie de mon encéphale, je me sens mal, je comprends que dalle. Diagnostic, état critique, mon intellect en mort clinique, patient banal d'un monde animal. Je ne perds pas de temps à réfléchir, je préfère envisager le pire. À quoi bon vouloir être gentil? La mort m'attend, qu'importe ma vie. Je ferme les yeux pour ne pas voir, je me tais pour ne pas savoir. Je m'accroche à des illusions qui s'entassent dans mon salon. Ma tête est en soins palliatifs, mon fauteuil, mon cercueil passif. Et quand il me demande parfois comment je suis tombé si bas, suicide mental, mort cérébrale, atrophie de mon encéphale, je me sens mal, je comprends que dalle. Diagnostic, état critique, mon intellect en mort clinique, patient banal d'un monde animal. Je ferme les yeux sur le chemin, attendant patiemment la fin. Et au bout de ma vie normale, ils mettront sur ma pierre tombale. C'était un suicide mental, mort cérébrale, atrophie de mon encéphale. Je me sens mal, je comprends que dalle. Diagnostic, état critique, mon intellect en mort clinique, patient banal d'un monde animal. Suicide mental, mort cérébrale, atrophie de mon encéphale. Je me sens mal, je comprends que dalle. Diagnostic, état critique, mon intellect